Chapitre 9 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Essais par Michel Ekem de Montaigne, livre 1, chapitre 9 des Menteurs. Il n'est homme à qui il sise si mal de se mêler de parler de mémoire. Car je n'en connais quasi trace en moi, et ne pense qu'il y en ait au monde une autre si merveilleuse en défaillance. J'ai toutes mes autres parties viles et communes, mais en celle-là, je pense être singulier et très rare, et digne de gagner nom et réputation. Outre à l'inconvénient naturel que j'en souffre, car certes, vu sa nécessité, Platon a raison de la nommer une grande et puissante déesse. Si en mon pays, on veut dire qu'un homme n'a point de sens, ils disent qu'il n'a point de mémoire. Et quand je me plains du défaut de la mienne, ils me reprennent et m'écroient, comme si je m'accusais d'être insensé. Ils ne voient pas de choix entre mémoire et entendement. C'est bien empirer mon marché. Mais ils me font tort, car ils se voient par expérience, plutôt au rebours, que les mémoires excellentes se joignent volontiers au jugement débile. Ils me font tort aussi en ceci, qui ne sait rien si bien faire qu'être ami, que les mêmes paroles qui accusent ma maladie représentent l'ingratitude. On se prend de mon affection à ma mémoire, et d'un défaut naturel, on en fait un défaut de conscience. Il a oublié, dit-on, cette prière ou cette promesse. Il ne se souvient point de ses amis. Il ne s'est point souvenu de dire ou faire ou taire cela pour l'amour de moi. Certes, je puis aisément oublier, mais de mettre à mon chaloir la charge que mon ami m'a donnée, je ne le fais pas. Qu'on se contente de ma misère, sans en faire une espèce de malice, et de la malice autant ennemie de mon humeur. Il ne me console aucunement. Premièrement, sur ce, que c'est un mal duquel, principalement, j'ai tiré la raison de corriger un mal pire, qui se fût facilement produit en moi, savoir et l'ambition. Car cette défaillance est insupportable à qui s'empêtre des négociations du monde. Que, comme disent plusieurs pareils exemples du progrès de nature, elle a volontiers fortifié d'autres facultés en moi à mesure que celle-ci s'est affaiblie, et irait facilement couchant et alanguissant mon esprit et mon jugement sur les traces d'autrui, sans exercer leur propre force, si les inventions et opinions étrangères m'étaient présentées par le bénéfice de la mémoire. Que mon parler en est plus court, car le magasin de la mémoire est volontiers plus fourni de matière que n'est celui de l'invention, si elle m'eût tenu bon, j'eusse assourdi tous mes amis de Babyl. Les sujets éveillant cette telle faculté que j'ai de les manier et employer, échauffant et attirant mes discours. C'est pitié, je les sais, par la preuve d'aucun de mes privés amis. À mesure que la mémoire leur fournit la chose entière et présente, ils reculent si arrière leur narration et la charge de tant de vaines circonstances que si le conte est bon, ils en étouffent la bonté. S'il ne l'est pas, vous êtes à maudire ou l'heure de leur mémoire ou le malheur de leur jugement. Et c'est chose difficile de fermer un propos et de le couper depuis qu'on est arrouté. Et n'est rien où la force d'un cheval se connaisse plus qu'à faire un arrêt rond et net. Entre les pertinents même, j'en vois qui veulent et ne se peuvent défaire de leur course. Cependant qu'ils cherchent le point de clore le pas, ils s'en vont balivernant et traînant comme des hommes qui défaillent de faiblesse. Surtout les vieillards sont dangereux, à qui la souvenance des choses passées demeure, et ont perdu la souvenance de leur redite. J'ai vu des récits bien plaisants, devenir très ennuyeux, en la bouche d'un seigneur, chacun de l'assistance en ayant été abreuvé 100 fois. Secondement, qu'il me souvient moins des offenses reçues, ainsi que disait cet ancien. Il me faudrait un protocole, comme Darius, pour n'oublier l'offense qu'il avait reçue des Athéniens. Faisait qu'un page, à tous les coups qu'il se mettait à table, lui vint rechanter par 3 fois à l'oreille. « Sire, souvenez-vous des Athéniens ? » Et que les lieux et les livres que je revois me rit toujours d'une fraîche nouvelleté. Ce n'est pas sans raison qu'on dit que qui ne se sent point assez ferme de mémoire ne se doit pas mêler d'être menteur. Je sais bien que les grammairiens font différence entre dire mensonge et mentir. Ils disent que dire mensonge, c'est dire chose fausse, mais qu'on a pris pour vrai, et que la définition du mot de mentir en latin, d'où notre français est parti, porte autant comme aller contre sa conscience, et que par conséquent, cela ne touche que ceux qui disent contre ce qu'ils savent, desquels je parle. Or ceux-ci, où ils inventent marqué tout, où ils déguisent et altèrent un fond véritable. Lorsqu'ils déguisent et changent, à les remettre souvent en ce même compte, il est malaisé qu'ils ne se défèrent, parce que la chose, comme elle est, s'étant logée la première dans la mémoire, et s'y étant empreinte, par la voie de la connaissance et de la science, il est malaisé qu'elle ne se représente à l'imagination, délogeant la fausseté, qui n'y peut avoir le pied si ferme, ni si rassis, et que les constances du premier apprentissage, se coulant à tout coup dans l'esprit, ne fassent perdre le souvenir des pièces rapportées fausses ou abâtardies. En ce qu'ils inventent tout à fait, d'autant qu'il n'y a nulle impression contraire qui choque leur fausseté, ils semblent avoir d'autant moins à craindre de se mécompter. Toutefois encore ceci, parce que c'est un corps vain et sans prise, échappe volontiers à la mémoire, si elle n'est bien assurée. De quoi j'ai souvent vu l'expérience, et plaisamment, aux dépens de ceux qui font profession de ne former autrement leurs paroles, que selon qu'ils servent aux affaires qu'ils négocient, et qu'ils plaisent aux grands à qui ils parlent. Car ces circonstances à quoi ils veulent asservir leur foi et leur conscience, étant sujettes à plusieurs changements, il faut que leurs paroles se diversifient quand et quand. D'où il advient que de même chose, ils disent tantôt gris, tantôt jaune, à tel homme d'une sorte, à tel d'une autre. Et si par fortune ces hommes rapportent en butin leurs instructions si contraires, que devient ce bel art? Outre ce bien qu'imprudemment, ils se défèrent eux-mêmes si souvent. Car quelle mémoire leur pourrait suffire à se souvenir de tant de diverses formes qu'ils ont forgées en un même sujet? J'ai vu plusieurs de mon temps envier la réputation de cette belle sorte de prudence. Qui ne voit pas que si la réputation y est, l'effet n'y peut être. En vérité, le mentir est un maudit vice. Nous ne sommes hommes et nous ne tenons les uns aux autres que par la parole. Si nous en connaissions l'horreur et le poids, nous le poursuivrions à feu plus justement que d'autres crimes. Je trouve qu'on s'amuse ordinairement à châtier aux enfants des erreurs innocentes, très mal à propos, et qu'on les tourmente pour des actions téméraires qui n'ont ni impression ni suite. La menterie seule, et un peu au-dessous l'opiniâtreté, me semble être celle desquelles on devrait à toute instance combattre la naissance et le progrès. Elles croissent quand et eux. Et depuis qu'on a donné ce faux train à la longue, s'émerveille combien il est impossible de l'en retirer, par où il advient que nous voyons des honnêtes hommes d'ailleurs y être sujets et asservis. J'ai un bon garçon de tailleur, à qui je n'ouïe jamais dire une vérité, non pas quand elle s'offre pour lui servir utilement. Si, comme la vérité, le mensonge n'avait qu'un visage, nous serions en meilleurs termes, car nous prendrions pour certain l'opposé de ce que dirait le menteur. Mais le revers de la vérité a 100 000 figures et un champ indéfini. Les pythagoriens font le bien certain et fini, le mal infini et incertain. 1000 routes dévient du blanc, une y va. Certes, je ne m'assure pas que je puisse venir à bout de moi à garantir un danger évident et extrême, par une effrontée et solenne mensonge. Un ancien père dit que nous sommes mieux en la compagnie d'un chien connu qu'en celle d'un homme duquel le langage nous est inconnu. Ut externus alieno non sit hominis vice. Et de combien est le langage faux moins sociable que le silence? Le roi François Ier se vantait d'avoir mis au rouet par ce moyen Francisque Taverna, ambassadeur de François Sforze, duc de Milan, homme très fameux en science de parlerie. Ce tuissier avait été dépêché pour excuser son maître envers Sa Majesté, d'un fait de grande conséquence, qui était-elle? Le roi, pour maintenir toujours quelque intelligence en Italie, d'où il avait été dernièrement chassé, même au duché de Milan, avait avisé d'y tenir près du duc un gentilhomme de sa part, ambassadeur par effet, mais par apparence homme privé, qui fit la mine d'y être pour ses affaires particulières, d'autant que le duc, qui dépendait beaucoup plus de l'empereur, lors principalement qu'il était en traité de mariage avec sa nièce, fille du roi de Danemark, qui est à présent douairière de Lorraine, ne pouvait découvrir avoir aucune pratique et conférence avec nous, sans son grand intérêt. À cette commission se trouva propre un gentilhomme milanois, écuyer d'écurie chez le roi, nommé Merveille. Celui-ci, dépêché avec lettres secrètes de créance et instructions d'ambassadeur, et avec d'autres lettres de recommandation envers le duc, en faveur de ses affaires particulières, pour le masque et la montre, fut si longtemps auprès du duc qu'il en vint quelque ressentiment à l'empereur, qui donna cause à ce qui s'ensuivit après, comme nous pensons. Ce fut que, sous couleur de quelque meurtre, voilà le duc qui lui fait trancher la tête de belle nuit, et son procès fait en 2 jours. Mais Sir Francisque, étant venu près d'une longue déduction contrefaite de cette histoire, car le roi s'en était adressé, pour demander raison, à tous les princes de chrétienté, et au duc même, fut ouï aux affaires du matin, et ayant établi, pour le fondement de sa cause, et dressé à cette fin, plusieurs belles apparences du fait, que son maître n'avait jamais pris homme, que pour gentilhomme privé, et sien sujet, qui était venu faire ses affaires à Milan, et qui n'avait jamais vécu là sous autre visage, désavouant même avoir su qu'il fût en état de la maison du roi, ni connu de lui, tant s'en faut qu'il le prit pour ambassadeur. Le roi, à son tour, le pressant de diverses objections et demandes, et le chargeant de toutes parts, l'accula enfin sur le point de l'exécution faite de nuit, et comme à la dérobée. À quoi le pauvre homme embarrassé répondit, pour faire l'honnête, que pour le respect de Sa Majesté, le duc eût été bien mari, que telle exécution se fût faite 2 jours. Chacun peut penser, comme il fut relevé, s'étant si lourdement coupé, à l'endroit d'un tel nez que celui du roi François. Le pape Jules II, ayant envoyé un ambassadeur vers le roi d'Angleterre pour l'animer contre le roi François, l'ambassadeur ayant été oui sur sa charge, et le roi d'Angleterre s'étant arrêté, en sa réponse, aux difficultés qu'il trouvait à dresser les préparatifs qu'il faudrait pour combattre un roi si puissant, et en alléguant quelques raisons, l'ambassadeur répliqua mal à propos qu'il les avait aussi considérés de sa part, et les avait bien dites au pape. De cette parole si éloignée de sa proposition, qui était de le pousser incontinent à la guerre, le roi d'Angleterre prit le premier argument de ce qu'il trouva depuis par effet, que cet ambassadeur, de son intention particulière, pendait du côté de France, et en ayant averti son maître, ses biens furent confisqués, et ne tint guère qu'il n'en perdit la vie. Fin du chapitre 9.